Bonjour les amis! Salut les amis. Voici le troisième épisode du podcast des Nous! Youhou. Pas recommandé aux enfants. Ce podcast est recommandé uniquement à ceux qui ont le cerveau d'enfant. La musique que vous venez d'entendre a été composée par CG Music, un logiciel gratuit de génération de musique programmé par Maciej Biedrzycki. Je suis Laurent. Et moi, Dominique. Nous sommes les Nous. Donc, on vous présente un podcast à tous les 2 mois, comme vous le savez déjà si vous avez écouté les précédents épisodes. Vous pouvez nous suivre en allant sur notre blog, qui est lepodcastdesnous.blogspot.ca. Vous pouvez aussi aller voir notre forum pour laisser des commentaires, nous poser des questions, nous joindre pour tout ce que vous voulez à le podcast des nous.probb.fr. Vous pouvez aussi nous joindre par email à l'adresse suivante le podcast des nous@hotmail.com. Donc, on va commencer ce troisième formidable épisode des nous en répondant à votre question de la semaine. Malheureusement, on n'a toujours pas eu de questions, ni par email, ni sur le forum, ni en commentaire sur le blog. Donc, va falloir qu'on invente encore une fois nous-mêmes une question à nous poser. Ah oui, Laurent. Laquelle? As-tu une idée, toi? Non, je ne pense pas. Toi? OK. On pourrait faire une suite à la question précédente. Pour ceux qui ont écouté le deuxième épisode, on s'était demandé ce qu'on pensait des élections les plus longues de l'histoire du Canada. Maintenant, je me demande, est-ce que la campagne électorale très longue va influencer notre vote? À ton avis, Dominique? Oui. Ben, d'après moi, ça a été une longue période électorale, mais comme on peut voir par rapport aux élections anticipées, en tout cas, jusqu'à maintenant, je pense que c'est assez positif. Il y a beaucoup de personnes qui ont été votées par anticipation. Ah oui? Puis, près de 2 millions de personnes, déjà. Ah ouais? Oui. Tant que ça. Donc, il paraît que c'est une hausse de 25 à 26% par rapport aux autres années. Puis, comparativement aux autres années, il y a quand même beaucoup plus de partis qui semblent intéressants. Okay. Il y a le Parti conservateur, les libéraux, les néo-démocrates qui sont tous un peu dans la course. Donc, c'est quand même assez intéressant, je trouve, ces élections. Mais est-ce que cette campagne va influencer ton vote à toi, Dominique? Ben, par campagne, tu veux dire par... Le marketing, par tout ce qu'ils disent. Ouais, ben moi, je suis un peu frileux par rapport au sondage. Donc, lorsqu'on me présente un sondage, je mets ça un peu de côté, puis j'essaie d'en faire ma propre idée. Donc, c'est ça. Ah, mais quand je parle du marketing, de ce qu'ils disent, je parle pas des sondages, je parle de la campagne, des partis politiques, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font. Ouais, ben c'est peut-être une partie qui est plus difficile, je trouve, parce qu'on. C'est difficile de savoir ce que chacun présente. Il y a tellement de choses. Bon. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je crois que cette campagne ne va pas du tout m'influencer. J'ai même pas l'intention d'aller prochainement voter, puisque j'ai déjà voté. Wow! Tu fais partie de toutes ces personnes qui se sont déplacées en avance. Ouais. Et bravo. Puis, c'est absolument pas la campagne qui va m'influencer de mon choix, puisque je sais par expérience que ce que disent les politiciens en promesse électorale, ça veut pas dire grand-chose. Surtout que durant cette campagne électorale, ils ont pas vraiment fait de débat de fond. Ils ont été sautés sur des sujets du jour quelconque. C'est pas une campagne qui a été particulièrement intéressante. Est-ce que tu regardes ça, toi, Laurent, les débats des chefs? Ou, non, je fais juste en entendre parler de temps à autre. Je peux pas le regarder, j'ai pas la télévision. Ah, ah sacré Laurent. Tu as la religion de ne pas avoir de TV, de télévision. Ben, j'ai un appareil de télévision, mais je m'en sers pour d'autres choses que regarder la télévision, puisque j'ai pas le câble. OK. C'est bon, ça? Donc, c'est ce que nous pensons pour le moment sur la campagne électorale. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous en parler au forum ou de commentaires sur le blog ou nous envoyer des emails et vous pouvez nous poser une question pour qu'enfin on réponde à une question de vous, les auditeurs, qui pourraient participer ainsi plutôt que de nous inventer nous-mêmes des questions à chaque fois. Mm-hmm. Tout à fait. Donc, nous allons maintenant continuer avec la chronique sociale de Dominique. Les « Nous » vous parlent de la société. Oui, cette semaine, j'ai décidé d'aborder un sujet que tout le monde aime beaucoup, j'imagine, la drogue. De la drogue. Et, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la consommation de drogue durant les guerres. Je me rappelle plus tellement c'est quoi la raison qui m'a poussé à discuter de ce sujet-là. Mais quand je parle de drogue et de guerre, j'ai toujours l'impression que les consommateurs de drogue, qu'on associe souvent la consommation de drogue aux enfants soldats, puis aux tiers-monde. Mais on va voir que c'est un peu plus que ça. Donc aujourd'hui, on va aborder l'historique à travers l'histoire. À travers l'histoire, c'est quoi la consommation de drogue durant les guerres? Donc toi, Laurent, est-ce que tu connais un peu ça, les guerres napoléoniennes? Bon, un peu. J'ai étudié l'histoire, puis j'ai vu divers films sur Napoléon. OK. Est-ce que tu en sais un peu plus ou... Ben, je sais que... Vaguement, là. Je sais que Napoléon, en fait, a participé à des guerres pour étendre la Révolution et puis son empire pour accroître la présence de la France et des idées révolutionnaires à travers l'Europe. OK. Et il a fait des guerres sur plein de pays, sur tous les fronts. Et finalement, il y a plusieurs pays qui vont finir par se réunir, s'assembler et vaincre Napoléon sur la fameuse bataille... en Belgique, sur la plaine de Jondon, j'ai oublié le nom. OK. Donc, j'ai abordé 10 guerres, puis on va voir que dans ces 10 guerres-là, il y a eu l'utilisation de drogue pour diverses raisons. Les guerres napoléoniennes, comme tu les as présentées, la drogue qui était à ce moment-là la plus consommée, c'était l'alcool. Ça fait du sens. Oui. J'imagine qu'à cette époque-là, il n'y avait pas nécessairement des drogues synthétiques ou des... Peut-être que l'opium avait commencé à cette époque-là. J'ai dit peut-être, je ne suis pas sûr. Mais non, là, tu devances un peu. Ah, OK. Tu devances un peu. Parce que les guerres napoléoniennes, je pense que c'est au 18e siècle, hein, n'est-ce ouais. pas? Donc, à ce moment-là, c'était plutôt l'alcool. Oui, l'alcool, c'est un... une drogue puissante qui a beaucoup d'impact que les gens ont tendance à oublier, à dire « Oh, c'est juste de l'alcool, c'est juste de la bière, c'est juste du vin, ouais. un petit verre, c'est pas si pire que ça. » Ça paraît comme un étant de drogue un peu soft, mais pourtant, selon de nombreuses études, l'alcool est quand même la drogue qui est la plus difficile à se départir, parce qu'il y a une question d'habitude, puis c'est difficile de se sevrer. Puis, c'est ça. Mais tu as parlé un peu de la question de l'opium. Il y a la première guerre de l'opium, dont les deux belligérants étaient la Grande-Bretagne et la Chine. Donc, à ce moment-là, je sais pas si toi, tu connais un peu ça, la guerre de l'opium? Non, pas non. Du tout. OK. Donc, ce que j'ai retenu, c'est que la guerre de l'opium a duré 3 ans, de 1839 à 1842. Ce que je crois, c'est avoir compris, c'est que c'était un genre de guerre d'indépendance. Puis durant l'indépendance contre le joug colonial britannique. D'accord. Puis à ce moment-là, il y a eu... les Chinois étaient des grands consommateurs d'opium. Ah oui? Oui, à tel point que l'armée chinoise a été ravagée par un problème. Les soldats chinois consommaient tellement de drogue qu'ils étaient incapables de combattre. OK. Donc, ils devaient comme gérer leur... leurs problèmes de dépendance, tout ça. Puis il était tellement occupé par ça qu'il était plus ou moins capable de combattre. Qu'est-ce que tu en penses, là? Ben, c'est sûr que quand on est drogué, c'est difficile de combattre. Puis ça provoque des problèmes. Okay. L'opium étant une drogue assez forte, quand même. Donc, si on fait suite un peu la troisième guerre que je vais aborder, c'est la guerre civile américaine, qui a eu lieu de 1861 à 1865. Ah, les Américains se droguaient? Oui, il y a eu beaucoup quand même. À cette époque-là, la drogue qui était la plus consommée, c'était la morphine. Oui. Puis c'était une drogue qui était tellement consommée qu'après la guerre là, de 4 ans, il y a près de 400 000 soldats qui sont devenus addicts, qui sont devenus dépendants de la morphine. Est-ce qu'ils utilisaient ça surtout dans un contexte médical par les blessés ou c'était quelque chose d'utilisé généralement par la... Dans ce contexte-là, je crois que c'était plutôt d'un contexte de blessure pour okay. enlever... la douleur, mais je crois aussi que la morphine était utilisée à des fins militaires, dans le sens où j'imagine que ça enlève les inhibitions. Ben, je peux pas. Par rapport à la morphine, là, je suis vraiment pas sûr. Ok, t'es pas un spécialiste de morphine. Non, c'est ça. Tu connais plus d'autres drogues comme l'alcool, la marijuana, l'opium, toutes des drogues que tu consommes continuellement. Ouais. Puis, c'est une blague en passant. Ouais, ouais. On se drogue pas et on encourage personne de prendre de la drogue. Ce que j'ai lu aussi rapidement qui était intéressant, mais là, ça serait à revoir, c'est que je lisais. Bon, on disait que la morphine, c'était la drogue qui était les. Qui était la plus utilisée à ce moment-là, mais là, j'ai vu dans un forum un peu après que c'était seulement les soldats de l'Union. Mais l'Union, c'est de l'Est, les nordistes. Ok, les nordistes. Qui pouvaient se acheter ce médicament-là ou cette drogue-là. Ouais, je présume que les sudistes, tu fais fumer du coton. Ouais, peut-être, j'en sais rien. Bon, allons après ça à la guerre anglo-zoulou. Ça dit quelque chose? C'est une guerre que je connais pas beaucoup. Donc, c'est une guerre qui est arrivée en 1879. Ce que je crois comprendre, c'est que c'est une guerre affrontant encore une fois la colonie britannique contre le peuple Zoulou qui vit au sud de l'Afrique, ben qui vivait au sud de l'Afrique du Sud. Donc à ce moment-là, c'est pas nécessairement les Britanniques que je vais vous parler, mais c'est plutôt les Zoulous qui prenaient du THC ou pouvaient aussi prendre des champignons magiques. Ah, comme Mario. Super, ouais, Mario Bros. Ouais, c'est tout à fait ça. Non. Puis ça, c'est les champignons magiques, ça altérait un peu les capacités, je dirais peut-être cognitives. Oui. Donc, puis quand les Zoulous prenaient ça, ils se sentaient invincibles. Des fois, ils pouvaient, avoir l'impression que les balles des Britanniques les toucheraient pas. Il y avait l'impression, comme j'ai dit, qui était comme un surhumain à ce moment-là. Ouais, champignons magiques, c'est une drogue qui a beaucoup d'effets sur le cognitif et sur les sens. Durant la Première Guerre mondiale, si on fait un saut en 1914-18, la drogue à ce moment-là, ça peut paraître étrange, mais c'était surtout la cigarette. Ah. Donc, on donnait ça aux soldats sur le front. Ouais. Ça leur permettait de se sentir un peu plus relax, sentir comme un relâchement, tout ça. Mais la guerre pour laquelle j'ai le plus d'informations par rapport à ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ah. À ce moment-là, tous les camps, tous les belligérants utilisaient de la drogue. Que ce soit les soldats américains, les soldats britanniques, les japonais et les allemands. Le cas le plus recensé, c'est les allemands qui consommaient beaucoup d'amphétamines. Aujourd'hui, les amphétamines, c'est du speed. OK. Puis, à l'époque, ils appelaient ça le pervitine. Ah ouais? Pervitine? Okay. Est-ce que c'est par ça pour ça les gens pervers? Non, pas tout à fait. En tout cas, c'est une drogue qui a beaucoup d'effets, les amphétamines. Donc, ça sera pas long. Donc, les méthamphétamines... souvent, le troisième... les Allemands, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est ils prenaient des méthamphétamines ou de la cocaïne pour se... la raison, c'est que ça leur permettait de combattre plus longtemps. C'est vraiment à grande échelle qu'on donnait ce médicament-là, le pervitine. Entre avril et juillet 42, je crois, il y a 35 millions de pilules de pervitine qui ont été donné aux soldats. Oui, c'est beaucoup, ça. C'est quand même beaucoup. La plupart du temps, on disait de donner comme deux pilules. Une à deux pilules, ça avait un effet assez probant sur les soldats. Okay. Le pervitine, ça permet de changer la chimie du cerveau, évidemment. Oui. Aujourd'hui, le pervitine, ça serait comme du cristal meth. Les effets recherchés, ça donnait de l'adrénaline. Ça augmentait le sentiment d'être alerte. Okay. Bon, les soldats, ils étaient plus alertes. Il y avait une plus grande confiance en eux. Il y avait une plus grande concentration aussi. Donc, c'est tout des effets qui permettaient à Hitler de demander à son peuple de les combattre, puis ça doit être un peu effrayant, mais quand tu prends ces médicaments-là ou ces drogues-là, ça aide à avoir une euphorie, l'impression d'être invincible. Ça enlève la douleur, ça permet de prendre des risques plus élevés, puis surtout, ça permet de dormir peu ou pas. Et donc, en gros, les soldats nazis, c'était des gros drogués? Oui, très drogués. Même le commandement, comme Hermann Göring, c'était un très grand consommateur de amphétamine ou cocaïne, je suis pas sûr, mais il était il y avait beaucoup de consommation. Oui. Ouais, fait que qu'est-ce qu'on voulait vraiment là, la morphine aussi c'était très répandu. Mais c'est comme j'ai dit, qu'est-ce que la prescription de drogue, c'était fait pour que les soldats soient des tueurs. Ça soit des personnes qui soient libérées un peu de leur inhibition. Tandis que pendant ce temps-là, les soldats des armées adverses utilisaient juste des cigarettes. C'est pas encore ben, moins ça, pire. Non, mais ça, c'était pendant la Première Guerre mondiale, la cigarette. Ouais. C'était surtout ça, la drogue. Mais là... j'imagine que les pharmaceutiques allemandes ici ont développé des nouvelles drogues plus fortes ou ouais mais je veux dire, les armées adverses à les autres pays Oui. Je pense qu'il consommait encore beaucoup de cigarettes dans ce temps-là. Oh, ouais, sûrement. Mais la pervitine, tu dis que c'est pas beaucoup, mais ça l'a aidé, ouais, ça a aidé comme l'Union, comme l'Union soviétique. C'est la Grande-Bretagne, elle a pris 3 millions de doses de pervitine. Ah, aux autres aussi, ils en prenaient. Oui, oui. Donc c'était pas juste les Allemands. Les Américains ont consommé 180 millions de doses. Oh my God! C'est vraiment beaucoup. Donc, La Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment une guerre de drogués. Ah ouais, non, mais pour envoyer des gens au front comme ça, à débarquer sur une plage, puis de se faire fusiller par des mitraillettes, là. Ouais. Faut être spécialement léger dans le cerveau. Ouais, là. Faut pas être bien dans sa tête. Ouais. Donc, non, les alliés l'ont utilisé beaucoup. Puis ben, les Japonais aussi les ont aidés. Ça a aidé aux kamikazes. Ouais, alors, c'est surtout aux kamikazes. Ah, c'est clair qu'ils devaient être drogués. Uh-huh. Fait que ça a aidé surtout aux kamikazes japonais pour les missions à suicide. Oui. Fait que les Allemands, je le dis souvent, hein, je le crois, mais a développé aussi une espèce de drogue qui s'appelle le D-IX. Ça, cette fois-là, c'est de la cocaïne. C'était un mélange de cocaïne, de pervitine, de speed, puis il y avait de Lucodal. C'est ça, là, je suis en train de dire que lui, Hitler, utilisait vraiment souvent la pervitine, Lucodal, puis de la cocaïne. Ah ben, il fallait être drogué pour écrire Mein Kampf. Ouais. Donc ça c'est pas mal ce qui fait le tour par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Dans le cas du Vietnam maintenant, 1955 à 1975. Mm. D'après toi, c'est quoi qu'ils consommaient? C'est les soldats américains surtout là? Oh, je sais qu'ils consommaient pas mal de drogue, mais je pourrais pas dire lesquels. OK. C'est surtout de la marijuana. Il paraît qu'il y a... Okay. Il paraît que ça coûtait vraiment pas cher aux Américains. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient acheter la marijuana dans des familles des Vietnamiens. Là, tout ça. Okay. Puis la chose aussi qu'ils consommaient en grande quantité, c'est l'héroïne. Hi. Parce qu'encore une fois, l'héroïne, ça coûtait pas tellement cher. C'est une drogue assez dure, par contre. Ouais, une drogue dure. En 1971, il y avait à peu près 20% des soldats qui étaient dépendants d'héroïne. Hi. Maintenant, après, il y a la Sierra Leone. Dans ce cas-là, mais comme en Afrique, là, il y a souvent des enfants soldats. Oui. Dans ce cas-là... On donnait aux jeunes enfants du Brown ou du Speed. OK. Les enfants, ils prenaient aussi des amphétamines, de la cocaïne. Ça leur permettait d'être énergiques en tout temps. Ouais. C'est comme ça qu'on réussit à envoyer des enfants à la guerre. Ouais. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. Puis, finalement, la dernière guerre, là, c'est celle qui est présente. Ben, de 2001 à présent, présentement. La guerre en Afghanistan. Puis évidemment, le problème le principal problème, c'est l'héroïne qui coûte très peu d'argent. OK. Donc les soldats. Mais il y a déjà un problème de consommation d'héroïne en Afghanistan chez les personnes qui y habitent. Ouais. Des fois. Mais chez les soldats aussi, ça peut être beaucoup utilisé. Surtout pour ceux qui sont déployés et qui font le combat. OK. Donc, c'est ça. Là, j'ai fait pas mal le tour de cette partie-ci, l'historique, à travers l'histoire. La prochaine fois, je vais aborder un peu plus la question de la consommation ou des problèmes de santé des armées un peu plus occidentales. L'armée américaine, puis l'armée canadienne. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Ça va être intéressant de voir ça, les effets, l'impact que ça a pu avoir. Donc, au niveau des drogues, tout ça, mais on va voir. Je vais consulter un document qui me semble excellent. Et le nom de ce livre, Beyond the Line, Military and Veteran Health Research. Donc, ça serait par rapport à au bilan de santé des soldats canadiens en général. Okay. Peut-être un petit peu plus au niveau des Américains. OK. Ah, ça va être à suivre. Sinon, il y a deux... si vous êtes intéressé à lire des livres par rapport au sujet, il y a le livre qui s'appelle War and Drugs, The Role of Military Conflict in the Development of Substance Abuse. Le nom de l'auteur, c'est Dessa Bergen Sico. Sinon, il y a un autre livre qui a été écrit en allemand, mais qui a une traduction anglaise. C'est Total Rush de Norman Ohler. O-H-L-E-R. OK. Pour faire un lien avec la première le premier podcast que j'ai fait par rapport à Omar Kader, il y a quelques nouvelles par rapport à ça. Il demande maintenant un peu plus de liberté. Pour ceux qui sont intéressés, l'avocat de Omar Kader, Denis Henning, va être à l'Université McGill pour une conférence. Yeah. Donc, ça aura lieu le 21 octobre à 12:30. Oh, c'est bientôt, ça. Bientôt. Donc, c'est à vous, Sire. Sire. Donc, je vais y aller avec ma chronique culturelle. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, mam. Pour ceux qui s'en sont pas déjà rendus compte, bientôt il va y avoir l'Halloween. Donc, avant de faire ma chronique, avant d'approfondir des commentaires sur des choses que j'ai consommées récemment, des choses artistiques, je parle pas de drogue. Ouais, on comprend ça. Donc, je vais vous faire une brève liste de quelques films d'horreur que je recommande fortement. D'accord. Donc, à mon avis, les meilleurs de tous les films d'horreur que j'ai vus, en fait, ceux que j'ai les plus appréciés, ce sont Shining de Stanley Kubrick, okay, et Suspiria de Dario Argento. Ce sont deux films qui sont extrêmement stylisés, qui sont très marquants visuellement et aussi pour le travail au niveau du son. Okay. Ce sont des films faits par des réalisateurs extrêmement talentueux. Tout le monde connaît Stanley Kubrick. Dario Argento est moins connu. Et ses films les plus récents ne sont pas nécessairement aussi bons. Mais ce sont deux films fort intéressants que je recommande fortement si vous ne les avez pas vus. Sinon, pour ceux qui seraient intéressés à chercher loin et voir des choses que de nos jours on voit peut-être plus tellement malgré que ce soit iconique, il y a les classiques films de monstres de la Universal qui a fait à l'époque du noir et blanc des films très marquants tels que Dracula, Frankenstein, Bride of Frankenstein, The Invisible Man, The Mummy et The Wolfman. Sinon, puisqu'il y a beaucoup, quand un film d'horreur est populaire, il a de nombreuses suites. Il y a beaucoup de séries de films d'horreur. Okay. Quelques séries de films d'horreur qui sont très intéressantes. Bon, tout le monde connaît Nightmare on the Street, qui est une bonne série. Tout le monde connaît Scream, qui est une bonne série aussi. Mais c'est pas tout le monde qui connaît Fantasme. Okay. Qui est une excellente série de films d'horreur à petit budget qui sont faites par le même réalisateur qui a fait 4 films tous excellents qui nous offrent quelque chose de fantasmatique qui sort presque d'un rêve ou d'un cauchemar et qui pour dans le premier film, il y a un enfant qui tombe sur un salon funéraire où il se passe des choses étranges. Aussi, il est japonais, ça fait des films d'horreur très intéressants, notamment Ringu, connu aussi en tant que Ring. Il y a eu un remake américain. Le remake américain est assez fidèle au film japonais, mais l'original est plus intéressant, quoique le remake est très réussi. Ok. Les Japonais ont aussi fait un film appelé House, quoi qu'il peut être aussi connu en tant que Houseu, parce que bon, les Japonais prononcent pas des mots anglais très bien. Ok. C'est un film qui est pas épeurant, mais qui est très très très riche visuellement, très intéressant, une expérience assez particulière. Il y a d'ailleurs le film est disponible en DVD en Blu-ray par Criterion. Et sinon, pour ceux qui aiment les films de zombies, toujours. Ouais. Il y a un certain monsieur Romero que tout le monde connaît probablement, ou pas, qui a fait des classiques incontournables. Il a fait Night of the Living Dead, qui est le film qui a lancé le film moderne de zombies. Mais le meilleur film, c'est la suite. Dawn of the Dead, l'original, pas le remake, qui est un classique incroyable. Il a fait d'autres films par après de zombies qui sont aussi intéressants, mais Dawn of the Dead, c'est vraiment le meilleur. Sinon, le scénariste Die Night of the Living Dead a écrit sa propre suite, dont les droits d'adaptation se sont baladés d'un producteur à l'autre, ce qui a fait un film qui finalement n'a pas grand-chose à voir. Okay. C'est Return of the Living Dead, qui est une comédie. C'est très drôle, un des films des zombies les plus drôles qui existent, avec l'incontournable Brain Dead, en un seul mot, de Peter Jackson. Oui, le réalisateur de Lord of the Ring, Le Seigneur des Anneaux, a fait une comédie de zombies qui est hilarante. Ça doit être bon, hein? Oui. Sinon, pour aujourd'hui, je vais vous commenter deux films que j'ai vus qui ne sont pas des films d'horreur, mais qui s'en rapprochent. Donc, je vais commencer par vous parler de Chronicle, un film de 2012. Un film américain. Mm-hmm. Chronicle est un film de found footage à la Blair Witch Project. Mais c'est pas un film d'horreur, c'est un film de science-fiction. Pour ceux qui connaissent pas le genre found footage, c'est un film qui fait semblant d'être composé d'enregistrements retrouvés d'une situation vécue. Le tout est donc filmé de façon amateur, généralement en vidéo, par les acteurs eux-mêmes, ou bien occasionnellement par des caméras de sécurité. Cette démarche en fiction peut faire penser au cinéma vérité. Une approche ultra réaliste du cinéma avec une caméra style documentaire plantée entre des acteurs amateurs ou jouant de façon naturaliste, tels que par exemple les deux films sur Che de Steven Soderbergh mettant en vedette Benicio del Toro, ou bien Adan Arjouat, la légende de l'Inuit qui court à poil à la fin d'un film de 3 heures. J'ai entendu dans un autre podcast une personne qui faisait un lien entre le film Chronicle et Akira. Bien que ce soit assez différent, le film lui faisait l'impression à certains moments d'imiter Akira, d'être ce qui pourrait se rapprocher le mieux d'une adaptation cinématographique en prise de vue réelle d'Akira, tout en étant un assez bon film. Ce qui a éveillé ma curiosité, m'a poussé à m'informer sur le film, à le voir et finalement à en parler ici. Petite parenthèse pour ceux qui l'ignorent, Akira est un manga fameux fait par Katsuhiro Otomo dans les années 80, qu'il a lui-même adapté en un film animé culte en 88 à propos d'un Tokyo futur après sa dévastation, mettant en scène de jeunes motards qui seront aux prises avec des pouvoirs psychiques après que l'un d'eux en développe suite à des expériences scientifiques et en abuse. Depuis des années, il y a un projet de faire une adaptation en prise de vue réelle d'Akira par les Américains, un projet qui n'avance absolument pas. Chronicle se passe visiblement de nos jours et met en scène des adolescents à Seattle. Andrew Detmer est la cible de bullying et décide de filmer sa vie avec un caméscope. Son cousin... Ça, c'est pour Chronicle. Ouais, c'est pour Chronicle. Okay, pour Chronicle. Son cousin et seul ami Matt va l'inviter à un party. Matt et son ami Steve vont découvrir quelque chose d'étrange et vont demander à Andrew de filmer. Ils vont explorer quelque chose de bizarre. Je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai pas envie de faire un spoiler. De toute façon, le film ne revient jamais là-dessus. Donc, après avoir filmé la quelque chose d'étrange, ils vont progressivement se mettre à développer des pouvoirs psychiques de télékinésie qui vont s'amuser à tester, puis vont se mettre à faire quelques mauvais coups. Ils vont même aller jusqu'à pouvoir voler dans les airs. Mais bien sûr, les choses ne pouvaient pas rester là. Andrew va se mettre à utiliser abusivement et dangereusement ses pouvoirs, volontairement ou non. Ce film pourrait être qualifié d'origine de méchant, donc le contraire des films de super-héros qui pleuvent de nos jours. Mais le film ne reste pas trop dans le simpliste. Il s'intéresse grandement à ses personnages, à leur psychologie, leur évolution, surtout Andrew, bien sûr. Au début, le film est filmé avec une caméra pas terrible. Les personnages vont éventuellement pouvoir se payer le nec plus ultra des caméscopes amateurs. Faut avouer que l'élément moyennement crédible du film est l'utilisation de la caméra. Si on peut croire que l'amélioration de la caméra fait du sens narrativement, cela est clairement exagéré. Le début utilise un enregistrement vidéo, peut-être pas top, mais correct. Par la suite, c'est carrément notre niveau professionnel, donc moyennement vraisemblable que des ados vont se payer ça. Aussi, l'angle de la caméra n'est pas du tout crédible vers la fin. Il est vrai que plus tôt dans le film est introduit l'idée que Andrew peut faire voler sa caméra avec ses pouvoirs psychiques. Psychiques. Il est vrai aussi qu'on peut présumer que la fin ait pu être filmée partiellement par tous les gens autour de nos jours. L'usage de caméras est répandu avec les téléphones et toutes ces affaires-là. Certains plans ont même carrément été réalisés avec des caméras de surveillance. Mais bon, dans l'ensemble, tout cela est trop bien filmé avec une trop bonne qualité d'enregistrement pour être crédible. Mais c'est pas tellement grave, puisque le film est beaucoup plus beau comme ça. Cette utilisation, bien que moyennement vraisemblable, d'une caméra subjective, contribue à notre attachement des personnages qu'on suit au milieu de l'action, qu'on accompagne dans leur vie. L'utilisation du cell phone footage est un truc qui rend le film efficace, nous rapproche de personnages, tout en nous proposant un visuel généralement assez intéressant et en permettant sans aucun doute au film de s'épargner un budget qui aurait pu être immense. Le film a tout de même été doté d'un certain budget, bien plus que d'autres films utilisant le même type de façon de filmer. Puisque Chronicle utilise clairement des effets spéciaux par moments assez élaborés. Malgré ses défauts, j'ai bien aimé ce film qui explore assez bien ses personnages, exploite assez bien le style found footage sans être moche et demeure un bon divertissement. Je lui donne donc un 3 sur 5. Oh, quand même. 3 sur 5, c'est une note tout à fait honorable. Pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents podcasts, je vais réexpliquer ma notation. Je donne 5 à un film que je considère comme un chef-d'œuvre. 4. Un film qui est excellent, qui parvient à atteindre ses objectifs. Un 3, un divertissement honnête. OK. 2, un film qui est moyen. 1, un film qui est pourri. Et 0, un discours de Stephen Harper. Maintenant, je vais vous parler de mon deuxième commentaire. Donc, bien que ce n'est peut-être pas aussi prévalent de nos jours, mais les animes ont une réputation d'être violents. Les animés, les dessins animés japonais, ultra-violents, font partie de la production japonaise, mais n'en constituent aucunement la totalité, ni même une importante portion. On pouvait avoir une impression différente à une autre époque, à l'époque de l'essor du marché de la vidéo dans les années 80. Avec la bulle économique japonaise des années 80, une tonne de trucs pouvait facilement se trouver du budget, même par des nouveaux venus. Les années 80 ont vu la production de nombreux dessins animés japonais ultra-violents. Cette tendance a fortement diminué dans les années 90 et presque disparu. Le début du marché de la vidéo des animés dans nos contrées ont cherché à profiter de cette manne, connue à l'époque en tant que Japanimation et manga, présentant un côté subversif qui donne un côté adulte aux dessins animés. Ils sont même allés jusqu'à l'accentuer dans les traductions et la promotion. Une pratique apparemment courante dans la traduction à l'époque de certains titres était d'ajouter un maximum de gros mots pour être sûr d'avoir une cote d'âge de 18 ans et plus. On peut en avoir un aperçu hilarant avec un montage des meilleurs moments de Angel's Cup. Alors qu'ironiquement, certains propos racistes anti-américains et anti-juifs ont été effacés ou atténués dans la traduction. Pour le voir, il suffit de rechercher Angel Cup Condesud sur YouTube. Bien des annonces de ces animés ne montraient que le côté violent. Pour en voir une preuve, je vais vous donner une adresse que les enfants ne devraient pas regarder. Ah non? Non. Cette publicité que vous pouvez voir au www.dailymotion.com/video/X10GE9Q trait d'union majuscule manga preview trait d'union majuscule TECH. Mon premier contact avec les dessins animés japonais ultra-violents a été plutôt extrême. Bien que j'ai vu des dessins animés japonais dans mon enfance, je me suis mis à m'intéresser à la chose après avoir vu un film en présentation spéciale à Télétoon, Les ailes de Néamise, un film très intéressant que je recommande. La semaine suivante, j'ai pu me préparer avec grande joie à voir un autre film en présentation spéciale sur la même chaîne. J'ai rapidement déchanté et fut un peu horrifié, n'ayant à l'époque vu pas grand-chose de violent. Ce fut un des pires dessins animés japonais ultra-violents, Ninja Scroll. Mais dans les années qui suivirent, je m'habituai tranquillement à la violence cinématographique avec les films de John Woo, Quentin Tarantino, Luc Besson, Akira et moult autres Mad Max. Je fus dégoûté à l'époque où j'ai vu Ninja Scroll pour la première fois, mais personnellement, je ne condamne pas la violence au cinéma tant qu'on s'efforce de ne pas montrer les films en question aux enfants. La violence fictive peut défouler. Je prends pour du foutage de gueule les arguments comme quoi cela pousse à la violence. Après tout, un pays qui propose justement des dessins animés parfois extrêmes, le Japon, est un des pays les moins violents du monde. Ah, ouais. Ouais. Pour de vrai. Ouais, pour le vrai. T'es sûr? J'en suis certain. Ah, ouais. J'ai d'ailleurs depuis revu et apprécié Ninja Squall pour son esthétisme, ses sentiments et son action, bien que la surviolence ne fût jamais vraiment, mon trip. Autre type japonais violent notable, Ken le survivant, surtout par sa version française, absolument hilarante. Mais bon, en même temps, en dehors du film, ce dessin animé n'est pas si tant violent que ça, du moins ce n'est pas gore. Il y a beaucoup de morts, et de façon assez violente, mais on n'en voit que bien peu, en dehors du film animé. Autre titre notable, le ridiculement mauvais Andy Geist, tellement mauvais que ça fait hurler de rire. Ce long préambule est pour vous présenter le film dont je vais parler. Ayant souvent entendu dire que Wicked City était l'un des plus extrêmes dessins animés violents, ou le pire, cela a éveillé ma curiosité. Réalisé en 1987 par Yoshiaki Kawajiri, d'après un roman de Hideyuki Kikuchi, je savais que c'était du même réalisateur et adapté d'une histoire du même auteur que Demon City Shinjuku. Je savais aussi que ce réalisateur avait créé Ninja Squall. Je ne savais pas par contre, merci Wikipédia, qu'il était le réalisateur de The Running Man, un des trois courts-métrages de l'ensemble Neo Tokyo, présenté entre un film de Rintaro et un autre de Katsuhiro Otomo. Wicked City est aussi en quelque sorte un précurseur de Demon City Shinjuku, entamant la collaboration entre le réalisateur et l'auteur des deux romans, proposant un sujet ayant certaines similitudes et aussi une réalisation ayant quelques points communs. L'histoire de Wicked City nous présente Renzaburo Taki, une sorte d'agent secret de sécurité mondiale, travaillant pour une organisation secrète, s'occupant des relations avec un autre monde, celui des démons. Il devra faire équipe avec une belle démon, Maki, pour protéger un vieux type en prévision de la négociation d'un traité de paix. Un complot démoniaque cherche à faire échouer la négociation et donc à tuer les personnages. Ce film est bien sûr assez violent, enrobé dans un style qui fait légèrement film noir, tout en insistant sur l'atmosphère et le côté fantaisiste démoniaque. Le film a certaines similitudes dans son sujet, son ton et surtout son style visuel avec Demon City Shinjuku, fait l'année suivante, et est en fait assez différent de ce dernier. Demon City Shinjuku est plus, malgré son ambiance, un récit d'aventure traditionnel avec son aspect initiatique, les alliés et les ennemis et tout le tout-team. Ici, avec Wicked City, même si au final cet aspect est un peu présent, nous sommes plus devant un film noir, une intrigue presque policière. On veut savoir ce qui se trame, surtout un suspense. On attend, angoissé, enrobé dans l'atmosphère, quand surgira l'attaque? Que va-t-il se passer d'horrible? En attendant la résolution, le suspense est tout de même pas trop mal efficace, devant tout le travail sur l'atmosphère et l'horreur de bien des situations. Même si les personnages semblent sans doute trop puissants, l'histoire un brin trop prévisible pour cette tension. Les scènes d'horreur sont assez imaginatives. Une femme dont le corps se met à se mouvoir comme un insecte, dont le censure se transforme en bouche avec plein de grosses dents, avec une tête qui saute d'un corps et attaque violemment les personnages pour se faire exploser par l'attaque des héros. Mais l'horreur n'est pas vraiment permanente. Cantonnée dans certaines scènes, on ressent plus l'angoisse de l'attente, ce qui est bien plus efficace. Comme dans Shinjuku, le réalisateur utilise une palette de couleurs très sombre et énormément la couleur bleue. Selon ses propres mots lors d'une entrevue, le bleu est une couleur qui passe bien avec la vidéo et aussi il aime beaucoup cette couleur. Je suis bien prêt à croire qu'il a étudié les effets de couleur sur la vidéo, puisque malgré le fait que je n'ai vu Demon City Shinjuku que depuis une VHS et les mauvaises critiques que j'ai pu lire sur l'édition DVD de Wicked City, les deux films semblent avoir une palette de couleurs qui s'en sort vraiment bien. Un visuel très notable. Ninja Squirrel m'a semblé en général beaucoup plus coloré, avec un visuel un peu différent des deux autres. Mais bon, en même temps, le film est un peu plus récent, il date de 1993. La violence extrême de Wicked City peut sembler facilement abusée ou gratuite, mais cela est un peu le but de la chose, et cela contribue à l'atmosphère, il me semble. Par contre, ce film a un traitement assez choquant envers les femmes, avec les nombreuses scènes de tentatives de viol, de dégradation corporelle, de créatures féminines monstrueuses anéanties un peu violemment, quoique pas plus que les hommes, d'imagerie tout simplement dégoûtante. Mais bon, le hentai prouve que les Japonais peuvent faire bien pire. Ils n'ont pas la pure réputation d'être les plus progressistes, les plus grands féministes, et ce film se veut clairement choquant. Je dois avouer honnêtement que j'ai personnellement été un peu déçu au niveau de mes attentes pour la violence. Après tout, ce titre a la réputation d'être un des pires. C'est effectivement pire que Demon City Shinjuku, sans doute que MDK, c'est sans aucun doute bien pire que Akira, qui est loin d'être aussi violent que certains le disent. Akira violent, oui, gratuitement, je ne penserais pas. Ultra violent, non. Wicked City, ce n'est pas trop pire. Pour savoir si vous avez de l'estomac, je vous recommande de voir le trailer anglophone du film, qui me semble pas vraiment présenter les points positifs du film, mais en montre un montage parmi les moments les plus extrêmes du film. Ce film est bien évidemment extrêmement plus violent et gore que la série animée Parasite, par exemple. Je doute que Wicked City soit diffusé à la télévision. Ok, en me renseignant sur ce film, après l'avoir vu, j'ai croisé à quelques occasions le commentaire comme quoi ce film est bien moins pire que Uro Tsukidoji, le fameux anime qui a inventé l'idée de démons violents des femmes avec des tentacules devenant à la mode depuis dans les entailles. Si je suis déçu par Wicked City, peut-être devrais-je voir ce film? Ou sûrement pas. Mais puisque je ne suis pas vraiment à la base un fan de violence, j'ai simplement appris à l'endurer et parfois à l'apprécier au second degré. Il m'arrive même parfois encore d'être un peu écœuré devant des films tels que Day of the Dead, par exemple. Au final, ce film est pas mal. C'est un divertissement net auquel je donne la note de 3 sur 5. Ah, quand même, c'est bon. Je suis sûr que t'as envie de voir ça, un film avec des scènes ultra-violentes de personnes qui se font découper, des têtes qui explosent, des femmes qui sont violées. Ah, c'est dans mes premiers choix, ça. C'est une chronique culturelle assez horrifiante, mais c'est bientôt l'Halloween. Donc, il est maintenant temps du mot de la fin. Eh oui! Quel mot pourrions-nous dire? C'est la fin! Ouh, c'est la fin! Censure! À la prochaine, les amis! À la prochaine! À dans 2 mois! Dans 2 mois!